Chapitre 3e, une attaque. Par une brûlante après-midi de juillet, Jane Halliburton était au salon avec sa mère. Toutes les deux cousaient activement. Le salon, vaste pièce éclairée par trois fenêtres, était plus frais et plus agréable que la salle à manger. Jane était mariée depuis près de 4 mois, mais elle paraissait toujours la même simple et tranquille jeune fille que nous avons connue, et sans sa bague, aucun étranger ne se serait douté d'avoir devant lui une jeune dame. Son mari et elle étaient pensionnaires de M. Tate. Pendant les arrangements et les préparatifs du mariage, lorsque M. Halliburton employait toutes ses heures de loisir à chercher un appartement qui ne fût ni trop éloigné ni trop cher, Francis Tate avait dit « Je voudrais bien savoir qui nous aurons à la place de M. Halliburton. » Et Marguerite, levant les yeux de dessus son dessin, avait ajouté « Pourquoi M. Halliburton et Jane ne resteraient-ils pas avec nous? Ce serait beaucoup plus agréable. » C'était la première fois que cette idée se présentait au pasteur. Il posa le livre qu'il lisait et s'écria « C'est cela même! C'est ce qu'il y aura de mieux! Cela vous plairait-il, M. Halliburton? » « Certainement, monsieur, beaucoup, mais c'est Jane qu'il faut consulter et non pas moi. » Jane, ses jolies joues toutes rougissantes, dit qu'elle en serait très heureuse, qu'elle y avait déjà pensé, mais qu'elle n'avait osé en parler ni à sa mère, ni à M. Halliburton. Je me suis déjà demandé avec inquiétude ce que maman et le ménage deviendront sans moi, ajouta-t-elle ingénument. Il n'y a que Jane pour réfléchir et faire des plans lorsqu'il y a des difficultés sur la route, dit Marguerite en riant. J'ai dans l'idée que nous n'aurons jamais de pudding et que les bas de soie noirs de papa ne seront jamais raccommodés le dimanche si Jane s'en va. Madame Tate fondit en larmes. Comme Marguerite, elle était mauvaise ménagère, et intérieurement, elle avait eu bien peur du départ de Jane, se disant qu'elle mourrait à la peine. « Oh, Jane, ma chérie, dites que vous resterez, s'écria-t-elle. Ce sera un tel soulagement pour moi. Marguerite ne nous est pas utile, et tout me tomberait sur les épaules. Monsieur Halliburton, j'espère que vous resterez. Ce sera si agréable pour nous. Vous savez combien nous avons de place. » Et ils restèrent. Le mariage eut lieu à Pâques, et M. Halliburton emmena Jane à Dover voir la mer. Un long voyage en ce temps-là. Au bout de 8 jours, ils revinrent. M. Halliburton reprit ses leçons et Jane ses anciens devoirs de ménagère. Comme nous l'avons dit, Madame Tate et sa fille cousaient dans le salon. Elles travaillaient pour Marguerite. Une des connaissances de M. Halliburton avait obtenu pour la jeune fille une place dans une pension supérieure. Marguerite devait y recevoir toutes les leçons nécessaires à l'achèvement de son éducation. En retour, elle enseignerait aux plus jeunes élèves la musique et n'aurait à payer que 200 francs par an. Un arrangement pareil, si fréquent de nos jours, était fort rare dans ce temps-là. Et M. et Mme Tate s'en félicitaient beaucoup. Marguerite n'avait que 16 ans, mais contrairement à Jane, on lui eût plutôt donné 18 ans. Elle devait entrer dans la pension située près de Harrow 8 jours plus tard. Aussi, Mme Tate et Jane ne manquaient-elles pas d'occupation. « Cette largeur a-t-elle été mesurée, maman ?» demanda subitement Jane, après avoir attentivement regardé le travail qu'elle avait sur les genoux. « Je crois que oui, Jane. Pourquoi ?»« Elle me paraît trop courte pour Marguerite. Cependant, elle doit avoir été mesurée puisque les épingles y sont encore. Marguerite l'a peut-être mesurée elle-même. »« Dans ce cas, il faudra recommencer. Il n'est pas moyen de compter sur ce que fait Marguerite. Et cependant, qu'elle est avancée pour sa musique et son dessin. » Il est heureux pour la maison que nous ne soyons pas toutes douées comme elle. Je le crois, maman. Je vais aller à la chambre de Marguerite. Ce n'est pas nécessaire. Voici une de ses vieilles robes sur le canapé. Jane mesura. Là, maman, il y manque juste le pli. Il faut que je défasse mon ouvrage. Heureusement que ce ne sera pas long. Viens ici, Jane. Tes yeux sont meilleurs que les miens. N'est-ce pas ton papa qui vient là au bout du square? Jane se rapprocha de la fenêtre. Oui, c'est papa. Tu auras pu le reconnaître à son habit, maman. « J'aurais pu, si j'avais vu, » dit mélancoliquement Madame Tate. « Je ne sais à quoi cela tient, mais m'a vu faiblir beaucoup, Jane. »« Qu'importe, maman, tant que tu peux lire et travailler, » répondit gaiement Jane, « comme papa marche vite. » Monsieur Tate, dont l'allure habituelle n'avait rien de pressé, marchait rapidement en effet. Il entra dans la maison et monta au salon, où il se jeta dans un fauteuil d'un air fatigué. « Jane, reste-t-il encore de ce bouillon qu'on a fait pour moi hier ?»« Oui, papa. » répondit-elle en se levant avec empressement. « Je vais tout de suite te l'apporter. »« Arrête, enfant, pas si vite. Ce n'est pas pour moi, je puis m'en passer. »« Je viens d'être témoin d'un triste spectacle, » ajouta-t-il en regardant sa femme. La fille de la veuve Baut vient de nouveau de rentrer chez elle. Je l'ai trouvée couchée sur la terre, mourant de faim. Elle est revenue hier au soir, m'a dit sa mère, et depuis lors elle n'a bu que de l'eau froide. On a voulu lui donner quelque chose de solide, mais elle n'a pu l'avaler. Ce bouillon lui conviendra. Fais-le chauffer, Jane. C'est une mauvaise fille, Francis, dit Madame Tate. Elle ne mérite pas ta compassion. Raison de plus pour l'arracher à la mort, fit le pasteur presque sévèrement. Les justes peuvent s'en aller, les méchants ont peur du dernier jour. Ne perds pas le temps, Jane. Mets-le dans une bouteille, je le porterai tout de suite. N'y a-t-il rien d'autre que nous puissions lui envoyer à la place, papa? Un peu de vin, peut-être? Il reste si peu de bouillon, et il était pour toi, papa. Qu'importe, je veux le lui porter. Le vin lui fera du bien plus tard. Jane alla à la cuisine. Suzanne, papa désire que vous fassiez chauffer le restant de son bouillon. Dépêchez-vous pendant que je cherche une bouteille. Il veut le porter à Charité Boat. Comment? Est-elle de retour? Exclama la domestique d'un ton légèrement méprisant. Cela ressemble bien à monsieur, continua-t-elle tout en faisant ce qu'on lui demandait. Il est bien rare qu'on fasse quelque chose tout exprès pour lui. Mais quand cela arrive, jamais il n'en profite. On peut être sûr qu'il s'en va rencontrer quelqu'un qu'il s'imagine en avoir plus besoin que lui. Ce n'est pas bien, mademoiselle Jane. Jane fouilla une armoire. Elle a sorti une bouteille verte qui pouvait contenir un demi-litre. Celle-ci suffira, dit-elle. Bien certainement, oui, grommela Suzanne, qui regardait comme un préjudice personnel tous les dons que faisait son maître. Elle en reste à peine, et ce devait être pour lui, mademoiselle Jane. Suzanne, il est fort heureux que vous m'ayez bien et dûment vu mariée. Avec mon alliance, comment puis-je toujours être mademoiselle Jane? Il est bien inutile que je cherche à me le rappeler, mademoiselle. Toute la paroisse sait bien que vous êtes madame Halliburton, mais ça ne me vient pas au bout de la langue. Jane se mit à rire. « Où est Marie ? » demanda-t-elle. « Dans la chambre du fond, travaillant pour mademoiselle Marguerite. Il y fait plus frais que dans la cuisine. » Jane porta la petite bouteille à son père. Il était très pâle et se leva lentement. « Oh, papa, comme tu parais souffrant !» s'écria-t-elle involontairement. « Laisse-moi te faire cuire un œuf. Je n'en resterai qu'un instant. »« Je ne puis pas attendre, mon enfant, et je ne sais même pas bien si je pourrais manger. Je ne me sens pas bien. »« Tu aurais dû prendre toi-même ce bouillon, papa. Il avait été fait pour toi. » Jane ne put s'empêcher d'appuyer sur le dernier mot. M. Tate passa sa main sur les cheveux de sa fille. « Jane, si j'avais pensé à moi avant de m'occuper des autres, aurais-je suivi les préceptes de mon maître ?» Elle courut lui ouvrir la porte d'entrée. Jane avait toujours été aimable et prévenante. Peut-être la pensée de sa douceur traversa-t-elle en cet instant l'esprit du pasteur. « Dieu te bénisse, mon enfant, » lui dit-il affectueusement en s'éloignant. Jane le regarda traverser le square. Puis elle remonta vers sa mère. « Papa ne veut pas perdre de temps, » dit-elle, comme il marche vite. « On dirait plutôt qu'il court, » reprit Madame Tate, qui était à la fenêtre. « Mais ma chère, il ne fera jamais rien de bon de cette Charité Boat. » Une heure se passa. Le moment du dîner approchait. Jane et Madame Tate avaient activement repris leur ouvrage, quand le coup bien connu de M. Halliburton se fit entendre. « Edgar entre de bonne heure aujourd'hui, » s'écria Jane. Il montait l'escalier 4 à 4, ouvrit la porte du salon et y passa la tête. Madame Tate, assise le dos contre la porte et la figure vers la fenêtre, ne le vit pas. Jane s'était retournée et tressaillit. Il était excessivement pâle. « Oh, Edgar, es-tu malade ?»« Malade, non, » dit-il en affectant de parler gaiement. « J'ai besoin de toi un instant, Jane. » Madame Tate s'était retournée en entendant la question de Jane, mais M. Halliburton était déjà rentré dans le corridor. Jane sortit, il lui prit la main, et la tira dans leur chambre, dont il ferma la porte. Jane était devenue aussi pâle que lui. « Ma chérie, je ne voulais pas t'alarmer, » lui dit-il en la serrant contre lui. « Je te croyais courageuse, Jane. Je pensais que si j'avais de mauvaises nouvelles, il valait mieux les annoncer à toi en premier lieu, afin que tu puisses m'aider à consoler les autres. « Mais qu'y a-t-il donc ? » demanda-t-elle toute tremblante. « Jane, » dit-il tendrement, « essaie d'abord de reprendre ton calme. Il ne s'agit pas de moi. » « Tu n'es pas malade ?» La question était superflue. M. Halliburton n'était pas malade, mais agité. Jane ne devinait pas. « Dis-le-moi tout de suite, Edgar, » fit-elle plus calme. « J'aime mieux la certitude. »« Oui, c'est vrai. » Il la regarda en face. « Il faut que ma femme soit courageuse aujourd'hui. Quel étourdi je suis. Je voulais te parler tranquillement et je ne réussis qu'à t'effrayer. » Jane essaya de sourire. Elle sentait que tout cela n'était que le précurseur d'une triste nouvelle. M. Halliburton continua. Quelqu'un que toi et moi nous aimons beaucoup vient d'éprouver un accident, Jane. ses soupçons se portèrent droit sur son père. Il n'y avait, à l'exception de celui qui était près d'elle, personne qu'elle aimât autant. « Papa ?»« Oui. » « Nous devons l'annoncer à Madame Tate. » Son cœur battait, la pâleur couvrait de nouveau ses traits. « Edgar, est-ce un accident mortel ?» Il ne voulut pas répondre, il se plongea dans les détails. Il marchait très vite, une petite bouteille à la main, sans doute quelque fortifiant qu'il portait à un pauvre malade, car il était dans le quartier des indigents. Soudainement, il est tombé. Des passants l'ont transporté chez un médecin qui malheureusement était absent. On a dû aller en chercher un autre et on a ainsi perdu du temps. Il était insensible. « Mais tu ne me réponds pas, » gémit-elle. « Est-il mort ?»« À quoi servait-il de cacher la vérité ?»« Jane, Jane, j'espère que je t'aiderai mieux à le supporter que je n'ai su te l'annoncer. » Elle ne pleurait pas, elle s'appuya sur lui. « Comment pourrons-nous le dire à maman ?» Il était indispensable de l'annoncer sans délai à Madame Tate. Par une coïncidence étrange, M. Halliburton passait devant la pharmacie à l'instant où la foule se pressait à la porte. Une affaire l'y appelait accidentellement, car c'était une rue où il ne passait pas deux fois par an. « Le pasteur vient d'avoir une attaque, » lui dirent quelques personnes en le reconnaissant et en l'arrêtant. « Le pasteur, » répéta-t-il. « Comment, M. Tate ? » ?»« Oui, monsieur. » Et M. Halliburton pénétra dans la pharmacie au moment où l'examen médical se terminait. « Un anévrisme sans aucun doute, monsieur, » lui dit le docteur. « Mais il n'est pas mort. » « Tout à fait. Il a expiré instantanément. » La nouvelle circulait dans la foule. On préparait un brancard. « Donnez-moi un quart d'heure pour préparer la famille, et puis venez, » avait dit M. Halliburton. Il songeait à sa femme. Il croyait que malgré sa jeunesse, elle saurait mieux se consoler que Madame Tate. Il se répétait ce qu'il voulait lui dire, mais sa pâleur l'avait trahi. « Jane, » murmura-t-il, « que ce soit une consolation pour toi. Il était prêt à s'en aller. »« Oh oui, » répondit-elle en fondant larmes. « Si jamais quelqu'un était prêt pour le ciel, c'est bien mon pauvre père. »« Écoute !» exclama M. Halliburton. On entendait du bruit au bas de l'escalier, des voix qui parlaient tout bas, des gens qui étaient venus annoncer la nouvelle aux domestiques effrayés. « Il n'y a pas un instant à perdre, Jane. » Jane essuya ses yeux, supprima tout signe extérieur d'émotion, elle entra au salon avec son mari. Madame Tate regarda en souriant M. Halliburton. « Quel mystère, Jane et vous, avez-vous donc ensemble ?» Puis, apercevant les lèvres pâles et tremblantes de Jane, elle poussa un cri d'effroi en disant « Jane, qu'est-il arrivé? Que venez-vous m'apprendre ?» Les larmes de Jane coulaient rapidement. Elle serra sa mère dans ses bras en murmurant tendrement. « Cher, bien chère maman, appuie-toi sur nous deux maintenant. Nous t'aimons et nous prendrons soin de toi comme nous ne l'avons jamais fait. »